Bill, ça va? Je sais que ma voix va faiblir, je sais, Bill. Donc tu dois me dire, parce que je sais que ma voix va faiblir. J'ai une dure tâche aujourd'hui. Michée, 7 chapitres. Pour ceux qui veulent la même traduction que moi, c'est Summer. Et si vous voulez les 7 chapitres comme ça, vous pouvez barbouiller, etc. Moi, je les ai aussi comme ça. Allez-y. Je vous conseille peut-être de les prendre un sur deux, parce que on va pas voir le texte dans l'ordre, malheureusement. Il y a tellement de choses, et Michée, il en a mis tellement partout, que j'ai essayé de rassembler, alors on va se balader. Hein. Donc prenez un texte pour suivre, prenez votre Bible pour suivre. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'en ai fait ce matin, c'est pour ça que je suis arrivé aussi à la bourre, je suis désolé. Je voulais mettre tout sur diapo pour qu'on les aille là, mais j'ai pas pris le temps. J'ai pas eu le temps. Alors, on va faire ça comme ça. Je suis content pour l'introduction parce qu'il y a le chant, très beau chant, comme un fleuve immense. Le dernier, on a rechanté d'ailleurs, le dernier couplet, il est beau, hein. Et c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de ce message. Donc vous savez déjà la fin. Je suis content parce que ce qu'il y a avant, c'est moins rigolo. Enfin, c'est moins rigolo. C'est nous, hein. C'est notre cœur. Mais le message de Michée, il est dur. Il est dur à entendre. Mais le sommet, son message, c'est ça. Et comme ça, vous savez la fin. Vous savez où on va arriver. Il a parlé de l'humilité. Stéphane, ouais. Moi, je viens à vous avec l'humilité parce que j'ai pris une grosse, grosse claque en lisant Michée. Je ne sais pas si je vais arriver à vous envoyer une aussi forte ce matin. C'est le message de Michée. Hein. Alors, on va essayer de voir un peu le contexte. Je vais essayer de scanner ça, j'espère que tout le monde voit. On va essayer de voir différents points. La structure de Michée, elle est bien travaillée, mais c'est des sections qui sont alternées. Donc, j'ai fait comme ça, de prendre une après l'autre pour que nous aussi, on s'y retrouve. Ça veut dire... il prend les sections longues où il y a des fautes, des châtiments, des menaces, des jugements. C'est des sections assez longues. Et après, il y a des sections parfois plus courtes où il y a les promesses de salut associées au thème du reste. Et bien sûr, le dernier chapitre, ça, j'en parle pas parce que c'est le pompon, c'est le meilleur. Alors... J'ai aussi une autre chose à vous dire encore avant d'introduire, c'est mon but ce matin, parce que si on prêche et qu'on n'a pas de but, alors on ne sait pas comment est-ce qu'on a, si on a bien prêché, c'est vrai? Ok, alors j'ai un but, mais qui n'est pas facile, et moi j'ai pris une claque, et mon cœur est travaillé, c'est un retour à Dieu, c'est un retour complet à Dieu. Michée parle à un peuple. On a l'habitude de prêcher à un individu. Soyez réconcilié avec Dieu. Bénéficiez de la grâce de Dieu. Le salut personnel, c'est vrai. La relation personnelle avec Dieu, c'est vrai. Dieu parle aussi à son peuple. Il parle aussi à son église. Quand vous lisez Apocalypse, les paroles sont dures aux églises. Mais il parle aux églises. Il ne parle pas que aux quelques responsables, même si Michée va en parler. Il ne parle pas que à ceux qui font peut-être les pires choses ou qui sont... en retard le dimanche matin, non? Il parle au peuple. Et le peuple répond, et il dit nous. Et ça, c'est mon but ce matin, et c'est peut-être le plus dur. C'est que moi, mon cœur a été touché. Je suis premier servi. Excusez-moi, j'ai du mal. Mais je dois toucher le vôtre ce matin, enfin Michée va le faire, j'espère. Et ma prière, c'est qu'on puisse prier à la fin en disant nous. Je vais commencer à prier à la fin. Comme ce chant. Voilà, c'est ma prière. On y va. C'est un petit peu dans le désordre. Vous avez vu, on a commencé avec... c'était pas mal à chier, ça s'était dit. C'était Zacharie. On a commencé avec Zacharie, non hein? J'étais pas là, moi, je suis pas chez là-bas, mais... On a continué avec Habacuc. Ah bah oui, c'est juste avant la déportation. Les Babyloniens. On a continué avec Malachie. Malachie, c'est encore tout à la fin. Après. On a continué avec Amos, c'est ça? Ou c'était avant Amos? En tout cas, Amos, on voit pas, mais c'est juste là. Contemporain de Mosé, il n'y a pas de Michée et des Baillis apparemment. Pourtant, ils en parlent beaucoup, ça veut dire qu'ils ont été très marqués par Amos. L'injustice sociale, vous avez vu ça, hein? Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Et donc, vous verrez, malheureusement, Osée la semaine prochaine, ça veut dire le conseil que moi je vais vous donner, c'est toujours pas le bon. Mais je suis désolé. Donc, Osée avec Fred, ça sera. Dimanche prochain, ouais. Donc, lui, Osée, c'est Israël. Esaïe et Michée, c'est Judas. Donc, quelque part, le contexte sera différent, parce qu'Israël, bien sûr, c'est pire. Judas, ils disent, bon, nous, au moins, on a le temple de Dieu, nous, au moins, on est fidèle à Dieu, ça, c'est ce qu'ils pensent. Le contexte est un peu différent. Et puis, il est un petit peu à l'envers, parce que Michée, ben, moi, je vais surtout parler du temps où il y a Akkad, vraiment en mauvais, Ézéchias, qui essaye de rétablir, la chose, il est touché par le message de Michée, bien sûr, les amis, vous aussi, bien sûr. Il se repent, il veut faire une réforme. Samarie compte, 722, les Assyriens, et puis Michée prophétise ben, qui est arrivé à Samarie, c'est pour Jérusalem. Alors Ézéchias se repent, et vous vous rappelez, les Assyriens viennent, il y aura de presque la moitié du pays, ils arrivent au port de Jérusalem, et là, Ézéchias se repent. Encore plus, et il revient à l'Éternel. Et là, il y a une armée qui est détruite, innombrable, par je ne sais pas quel fléau, en tout cas, c'est raconté. Et donc, voilà, c'est une chérie, n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et Judas gagne 130 ans à peu près. Pas grand-chose en plus, hein. Voilà, Malachie. Donc, Ézéchias revient à Dieu, il essaie de purifier le peuple de Judas, mais il y a beaucoup de mal, et ce qui a été fait avant, c'est. Là, il fait ce qu'il peut, il m'a appelé, il commence à venir avec lui, ah ben lui c'est pire. Il fait de nouveau pire, et après vous ne parlez pas du reste. Donc il a gagné quoi? Ézéchias il a gagné 130 ans, Judas a gagné 130 ans, c'est que partie remise. Donc quelque part le message de Michée, bon à la fin heureusement il parle de la grâce et de la montée de l'Éternel, mais il dit c'est fini, hein. Jérusalem c'est cuit, hein. Ça fait déjà je sais pas combien de temps que vous avez été averti, hein. Parce qu'avant, on a Élisée, on a Élie, on a eu beaucoup de prophètes déjà, beaucoup de choses qui ont été dites, mais le cœur n'est pas revenu. Rappelez-vous, alors, c'est bien avant, David, c'est 1000, hein. Après David, Salomon, il y a le schisme, ça veut dire les 10 tribus du Nord, se séparent de Juda et Benjamin, et il faut comprendre, en quelque sorte, maintenant, on veut notre roi. Maintenant, on veut le roi qu'on aimerait bien mettre hein, en place. Et il se révolte. Et je crois que la plupart d'Israël sont mauvais. Et Osée, Pekach, c'est une catastrophe. Vous vous rappelez aussi Akab. Vous rappelez Akab, son père Omri. C'est les pires. À peu près égal à Jéroboam. Jéroboam, c'est le premier roi après le schisme. Il a construit des hôtels parce qu'il ne pouvait pas aller à Jérusalem. Hein. Il a construit des hôtels, etc. C'était déjà mal barré, et là ils sont allés jusqu'au bout. Voilà, c'est un peu le contexte. Je résume un peu parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, le livre de Michée est dur, c'est vrai. Il est souvent terrible. Il fustige sans merci, de façon intransigeante, un roi, un peuple rebelle. Et ce qui est beau, c'est qu'on l'a dans la Bible. Hein. Il n'a pas été censuré par Israël. Le peuple, malgré ses reproches, ses accusations, ses dénonciations impitoyables, l'a accueilli dans son canon, au nombre des livres sacrés. Il savait que Dieu avait parlé par le prophète Michée. Les oracles de Michée concernent les villes de Samarie, Jérusalem. On pense que ça a été fait avant 722, parce qu'on ne voit pas dans les textes que Samarie est tombée, on ne le devine pas, donc on suppose. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été écrites après? On sait moins. Le livre de Michée présente une structure travaillée. Section longue, section courte, ça j'ai déjà dit. On y trouve une prophétie, des prophéties messianiques, dont une très connue, citée par exemple par le roi Hérode. Vous vous rappelez à la fête de Noël, le roi qui disait « Gardez-moi le magret de canard sur le feu », et puis il demande « Ok, d'où il vient le roi ?» Eh bien, on cite Michée, Bethléem Ephrata, bien sûr. On va le voir, l'enfant roi. Et aussi, on a un beau résumé de la vie chrétienne. Et ça, c'est un chant qu'on va chanter à la fin, que vous connaissez bien sûr. On a un beau verset et une belle prière à la fin, tout à la fin. Ça, c'est un peu mon plan. Non, c'est pas ça. Marche pas bien. C'est quoi? Alors, on va essayer. Et puis, si j'ai pas le temps, j'ai courte. Un retour à Dieu. Donc, ça, c'est mon intro. Quelle est la cause principale de l'égarement de Judas? C'est un peu les trois questions qu'on va se poser et que peut-être Michel se pose. Comment retourner à Dieu? C'est la cause principale de l'égarement de Judas. Et qui est semblable à l'Éternel? En fait, c'est le nom de Michée. C'est ce que ça veut dire. Michée, ça veut dire qui est semblable. On se demande d'ailleurs si c'est son vrai nom, parce qu'il le répétait tellement souvent qu'on se dit peut-être qu'on l'a appelé comme ça à cause de ça. C'est un refrain qui revient dans la Bible, dans les psaumes, qui a commencé lorsque le peuple a été délivré. Il a passé la mer pendant l'Exode. Les Égyptiens ont été enfouis. Il y a un chant. Et c'est là qu'on trouve la première fois qui est semblable à l'Éternel. Michée, ça ressemble à, c'est très proche. Et il va le citer. Jugement, je vais vous faire participer un petit peu à une cour suprême ce matin. Accusation et menace. Donc j'ai résumé, hein, parce que bon, on peut tout voir, mais on n'a pas le temps. Israël s'est livré à l'idolâtrie. L'injustice sociale, injustice, impiété du peuple. Mais aussi, on verra plus tard des responsables. Et on voit aussi que Judas prend plaisir à faire le mal. Et on verra aussi les faux prophètes, leur message et leur incidence. Et ça, c'est ce que Dieu accuse et menace dans le livre. Le châtiment est inéluctable. Et on verra un verset clé qui, je pense, est la cause principale de l'éloignement de Judas. Et à la fin, je parlerai des sections courtes. J'ai rétorqué ça pour la fin, donc le début est un peu dur, hein. Mais il faudra qu'on y aille. Thème du reste, c'est royauté. Donc on parle beaucoup du roi, d'un nouveau roi, du reste aussi. La miséricorde aura le dernier mot. Bon, vous avez déjà le titre du dernier chapitre. Et les conclusions. Alors, vous savez comment on fait quand on rentre dans une cour? Il y a un marteau en bois là qui tape, là, le juge qui frappe, et il dit quelque chose comme... Messieurs, dames, messieurs les jurés, la cour. Tout le monde se lève, un seul homme. On va faire ça? Vous êtes prêts? On y va, hein, verset 1. Vous avez lu verset 1? C'est parti. Ok. Messieurs, dames, les jurés, la cour. Alors, restez debout. Écoutez, vous tous, peuple. Prête attention aux terres, et vous tous qui vivez sur elles, le Seigneur l'Éternel sera témoin à charge contre vous. Le Seigneur va vous accuser depuis son sanctuaire. Chapitre 6, versets 1 à 2, même refrain. Chapitre 6, versets 1 à 2. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi et engage un procès devant les montagnes et que les collines t'entendent. Écoutez donc, montagne, fondement immuable de la terre. Le plaidoyer de l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec son peuple, il va plaider contre Israël. Vous imaginez ça? Est-ce que vous vous imaginez aussi que Dieu parle à son peuple? Alors quand on fait les parallèles, Dieu nous parle à nous, hein. Il parle à son peuple. Ok, vous pouvez vous asseoir. Nous assistons à un jugement à la Cour suprême. Regardez verset 1. Dieu intente un procès, chapitre 1, à son peuple. Israël est cité à comparaître devant le tribunal où l'Éternel est à la fois juge et témoin à charge. Vous avez lu ça? On pourrait croire, quand on lit chapitre 1, dans les traductions qu'on a, que c'est les nations païennes qui vont s'en prendre. Hein? Mais ce n'est pas le cas. Le texte est un réquisitoire, en fait, de Dieu contre son peuple. Il veut que toutes les nations soient présentes lorsqu'il va juger son peuple. Tous les peuples ont été témoins de l'infidélité et de la corruption d'Israël et de Juda. Elles pourront ainsi témoigner que le châtiment n'est pas injuste. Dans le chapitre 6, ce sont les antiques montagnes et les collines aux fondations si stables qui sont citées comme témoins de toutes les grâces que Dieu a manifestées à son peuple. Chapitre 1, versets 3 et 4. Voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il va descendre, marcher sur les sommets, les hauteurs de la terre. Sous ses pas, les vallées se fendront au milieu. Les montagnes fondront comme la cire au feu, comme de l'eau versée coulant sur une pente. La question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parfois, c'est la question dans les films, ça. Les films de science-fiction, quand c'est la fin du monde. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est un peu ça, hein, quand on lit ça, c'est complètement fou. Comment Israël s'est encore démené pour se construire un tel châtiment? Est-ce qu'il n'a pas écouté, est-ce qu'il n'a pas vu l'expérience des patriarches? Est-ce qu'il n'a pas appris les leçons amères de la traversée du désert, la conquête du pays promis, les juges, les jugements plus récents, Élie, Élisée, la conduite d'Omri, père d'Akab, Akab, considéré comme les pires avec Jéroboam, sacrifice d'enfants, rappelez-vous, prostitution sacrée, et j'en passe. Accusations. Quelles sont les accusations principales de Dieu face à Juda? Alors la première, elle est très facile, verset 5. Israël s'est livré à l'idolâtrie. Verset 5. Et pourquoi tout cela? À cause de la rébellion des enfants de Jacob, à cause des péchés du peuple d'Israël. Qui incita Jacob à cette rébellion? N'est-ce pas Samarie? Et à cause de qui ces hauts lieux sont-ils en Juda? C'est à cause de toi, Jérusalem. Verset 7. Ces idoles sculptées seront toutes brisées, et tous ces gains impurs seront livrés au feu. Ces images taillées, je les mettrai en pièces. Elles ont été faites grâce au salaire des prostitutions, aussi serviront-elles comme salaire d'autres prostitutions. Le peuple de Juda se croyait bien meilleur que Israël, parce qu'il avait le temple, il respectait les commandements. Il ne rejetait pas l'Éternel en bloc, il savait, il connaissait la sortie d'Égypte, ce que Dieu a fait, le pays de Canaan qu'il leur a donné, et bien d'autres bienfaits, il en a ajouté au culte. Il le faisait aussi en Israël, mais l'Éternel, c'était un peu la bouée de sauvetage. Alors que Juda croyait que c'était leur dieu principal, leur médecin traitant, généraliste, vous comprenez? Juda respectait l'Éternel, mais il avait quand même d'autres idoles. Vous savez, pour s'assurer une bonne santé, parfois on n'a pas trop confiance au médecin traitant, hein? Généraliste. On dit, bon, peut-être il faut aller voir ailleurs. Alors maintenant, on est un peu coincé parce qu'il y a une loi, là, les médecins traitants, il faut passer par lui pour aller voir les spécialistes. Nous, parfois, c'est une image, mais c'est exactement ça. Pour s'assurer une bonne récolte, il valait mieux aller voir Astarté, même s'il faut aller coucher avec les prostituées sacrées pour fertiliser, blablabla. On joignait l'utile à l'agréable, tant qu'à faire. On accomplissait les rites païens. Et puis, ça pouvait pas faire de mal. De toute façon, le temps d'avant Akaz, c'était la prospérité en Israël et en Juda. Ils ont reconquis les territoires qu'ils avaient presque eu depuis Salomon. Ils ont presque fait tout le territoire qu'ils avaient avant. C'était la prospérité. Et les faux prophètes disaient, mais paix, ils proclamaient la paix, tout va bien. Éternel, c'est grâce, regardez, vous êtes en bonne santé. Et alors, c'est la dérive complète. Pourquoi j'ai mis ça en premier? C'est la plus grave. Et souvent, nous, on ne se sent pas concernés. Et pourtant, tout découle de ça. Les premiers commandements sont bafoués. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est très clair. Et on dirait que si Michée regardait notre vie aujourd'hui, à la lumière de Christ, la question c'est est-ce qu'il nous trouverait avec un cœur partagé? Vous savez, quand on lit les évangiles, Jésus parle de Dieu et Mammon, un cœur partagé. Un autre, bien sûr. Il n'y a pas que Mammon. L'Éternel, c'est un peu le Dieu qui s'occupe des grandes causes, même en tant que chrétien parfois. Vous savez, c'est lui qui traite la question du péché, C'est lui qui traite la question de la grâce, de l'au-delà, des choses compliquées. Mais dans notre quotidien, franchement, quand il s'agit de nos semailles et nos récoltes, un peu comme le peuple, hein, quand il s'agit de nos enfants, nos prévoyances, notre santé, notre travail, nos repos, planning, etc., pour avoir toutes les cartes en main, alors parfois on louche sur les rites sacrés de ce monde d'aujourd'hui. Parfois même on trouve que c'est pas si désagréable que ça. C'est pas vrai? L'injustice sociale. C'était beaucoup Amos, ça. Et le peuple doit avoir entendu Amos. Lorsque nous trichons avec la première loi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, la seconde est encore plus facile d'être franchie. C'est presque naturel. Le mépris de Dieu engendre celui du prochain. Chapitre 2, verset 2. Ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils oppriment les gens, les dépouillant de leurs habitations. Ils convoitent, ils s'emparent, ils prennent, ils oppriment. Ça va vite. Israël était à l'origine un peuple nomade, vous vous rappelez? Ils ne possédaient pas de terre. Et après, le peuple s'est installé en Canaan. Dieu prit alors des précautions. Première chose, il a déclaré « Le pays m'appartient ». Je vous le prête. Deuxième chose, on va diviser en 12. Clac, pour chaque tribu. Troisième chose, les ventes des terres n'étaient pas valables au-delà d'un certain temps. Elles devaient revenir l'année du jubilé à leur ancien propriétaire. Et cette année-là, ceux qui avaient dû vendre, se vendre comme esclaves pour éponger leurs dettes, recouvraient la liberté. On tirait à nouveau les lopins de terre au sort. Il existait une sorte de propriété tournante qu'Israël ne pratiqua, semble-t-il, que de 2 ou 3 générations. Et c'est vite parti après. Ils convoitent, ils s'emparent, ils prennent, ils oppriment. Michée vivait à Jérusalem, on pense, avec Esaïe, son contemporain. Il était au beau fixe, hein. Il était dans la mégapole, il voyait tout ça. Et il dénonce l'oppression des pauvres, la corruption du gouvernement, malhonnêteté dans les affaires. Les propriétaires terriens, avides, les usuriers, qui étaient tellement obsédés par l'acquisition des richesses, qu'au lieu de dormir, comme tous ceux qui ont bien fait leur boulot pendant la journée, ils passaient leur nuit à concevoir des moyens frauduleux pour s'emparer des champs et de la maison du pauvre. Ça, c'est des versets qui remplissent Michée, on va pas les prendre. C'était des spécialistes en affaires, en escroquerie, de toutes sortes. Profiter de la pauvreté des pauvres. Ça vous rappelle rien, ça? Je pense que c'est un peu notre société aujourd'hui. Parfois, on a l'impression, on est loin de ça. Rappelez-nous un peu. Je crois le contexte de Michée, c'est le nôtre. Hein. C'est pas bien compliqué. Hein. Et ne croyez pas que c'est pas dans notre cœur. On n'a pas beaucoup de guerres, on pourrait dire. En tout cas, sur notre territoire, on n'y est pas confronté. C'est plutôt comme au temps de Michée, prospérité. Ça va bien. On ne manque de rien. Méchanceté, c'est vrai. Et notre cœur est souvent assoiffé de tout sauf de Dieu. J'ai essayé de prendre un exemple plus contemporain, que j'ai parfois eu du mal à le faire, mais vous pouvez l'interpréter très facilement. Hein. J'ai pensé prendre un exemple pour nous, la France, mais c'est beaucoup plus facile. J'ai trouvé quelque chose, en fait j'ai trouvé un verset de Michée qui est gravé sur le mur de l'ONU à New York. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'ils arrivent à citer une chose pareille? Alors, je vous en parlerai plus tard, mais parlons un peu plus de l'ONU. Je vous lis un petit rapport, compte rendu récent du développement humain de l'ONU, à propos de l'état du monde dans lequel nous vivons. Vous connaissez ces chiffres, hein. La croissance dans les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres. 20% de la population mondiale dispose de 86% de la consommation mondiale. Les 3 personnes les plus riches de la planète ont des biens qui excèdent la somme des PNB des 48 pays les moins développés. 1,3 milliard d'hommes vivent avec moins d'un euro par jour. 1/5 de la population mondiale ne peut pas espérer vivre au-delà de 40 ans. 40 000 enfants meurent chaque jour de malnutrition. On voit tout ça à la télé. Quelques-uns des pays les plus pauvres du monde réduisent leurs dépenses d'éducation et de santé pour acheter plus d'armes aux pays riches ou pour pouvoir payer l'intérêt de leurs emprunts. Le Nord, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique et le Japon, reçoivent en paiement de la dette chaque année 20 milliards de plus d'euros, de plus que ce qui est donné comme soi-disant aide. Soi-disant, parce que c'est pas vraiment une aide. Quand vous entendez, on a donné telle aide pour le pays, en fait, c'est pas une aide, c'est pas un don non plus. C'est un prêt commercial. Il a souvent accordé à des conditions politiques, bien sûr. Et si vous ajoutez le chiffre des montants avec tout ce qui est détourné dans nos banques européennes et américaines par les barons de la drogue, du tiers-monde, les politiciens corrompus, vous connaissez la famille Bhutto au Pakistan, la famille Mobutu en République démocratique du Congo, et dernièrement, on l'a vu aussi, les généraux militaires au Nigeria. Vous verrez que les pays les plus riches vivent en fait sur le dos des pays les plus pauvres. C'est pas un scoop. On le sait. Les flux financiers dans le monde ne vont pas des riches aux pauvres, mais des pauvres aux riches. L'auteur principal du rapport de l'ONU 1997, le docteur Richard Jolly, appelle un scandale éthique le fait que notre monde, avec 17 000 milliards d'euros d'économies, ne peut pas pourvoir aux besoins élémentaires en santé, nutrition et éducation de ses habitants. Il estime que l'annulation de la dette pour les 20 pays les plus pauvres, sans les intérêts, ne coûterait pas plus que les bâtiments de Disneyland à Paris. Pas plus non plus que le dôme du Millénium à Londres. Pour finir, le secrétaire de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a profité des réunions de Washington pour publier un rapport préconisant l'annulation totale de la dette de l'Afrique. Le rapport souligne que ce continent a reçu environ 360 milliards d'euros en prêts entre 1970 et 2002 et en a remboursé quelque 367 milliards d'euros de capital et d'intérêts. Mais compte tenu des intérêts cumulés, la dette africaine était encore de 197 milliards d'euros en fin 2002. Je crois qu'on est dans le contexte, c'est Miché. En tout cas, on n'y est pas loin. Prendre plaisir à faire le mal. Prenez le chapitre 7, verset 2, B, la deuxième partie du verset B, 3A. Chapitre 7, verset 2. La fin du verset 2 et le début du verset 3. Désolé de vous faire feuilleter, c'est toute la fin. Tous guettent l'occasion de répandre le sang, et chacun traque son prochain en lui tendant un piège pour commettre le mal. Leurs mains sont bien expertes. À que vous retrouvez notre monde ici? Je pense. Justice, vie, de piété, faux prophète. Regardez le chapitre 3. Le chapitre 3, verset 4 à 7. Voilà pourquoi, quand ils crieront à l'Éternel, lui, il ne leur répondra pas. Il restera loin d'eux, à cause du mal qu'ils ont fait. Voici ce que dit l'Éternel des faux prophètes qui égarent mon peuple. Ils prédisent la paix à qui met sous leurs dents un bon morceau à mordre, et déclare la guerre à qui ne remplit pas leur bouche. Vous serez dans la nuit sans avoir de vision, ce seront les ténèbres. Finies les prédictions, oui, le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira pour eux. Ceux qui ont des révélations seront couverts de honte, et les devins perdront la face. Je suis bien barré, moi. Ils se couvriront le visage, car Dieu ne leur répondra pas. On va passer vite au point suivant. Les responsables en déroute. Il y a un bon paquet là-dessus. Prenez le chapitre 7, les versets 2 à 4. 1 à 4. 7. Pas d'homme fidèle, plus personne de droit. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'Éternel. Plus personne n'est droit. Tous guettent l'occasion de répandre le sang et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. Pour commettre leur mal, leurs mains sont bien expertes. Les dirigeants, les juges exigent des présents. Les grands prononcent leur jugement pour satisfaire leur avidité. Ils font cause commune. Le meilleur ami, le meilleur parmi eux, n'a pas plus de valeur qu'un tas de ronces et le plus droit est pire qu'un buisson d'épineux. Le voici qui arrive, le jour annoncé par ses sentinelles. le jour où l'Éternel va intervenir contre toi. Et maintenant, ils seront consternés. Il y a une image, vous connaissez peut-être Diogène. Dieu est un peu comme Diogène, avec la lampe à la main. Diogène parcourait en plein midi les rues de sa ville à la recherche d'un homme droit. Nicée a cherché la piété dans le royaume du Sud, où il aurait dû normalement la trouver, en Juda, parmi les responsables du peuple. Juda, la tribu des rois, et à Jérusalem particulièrement, Nicée n'a trouvé que corruption, fraude, injustice, dévoiement, on dit ça, du peuple tout entier. Alors le tableau est pas joli, hein. Alors encore une couche, châtiment inéluctable. Beaucoup de prophètes ont menti au peuple, on l'a vu, ne lui parlant que de grâce et bonté, malgré leurs mauvaises actions et malgré leur cœur rebelle. Je prends chapitre 2, verset 7. Cependant, que dit-on parmi le peuple de Jacob ? L'Éternel aurait-il perdu patience ? Est-ce bien là sa manière d'agir ? Certes, pour ceux dont la conduite est pleine de droiture, mes paroles sont bienveillantes. Ça, c'est le message des faux prophètes. Et je crois qu'on l'entend beaucoup aujourd'hui. On l'entend beaucoup prêcher, que ce soit évangile de prospérité ou en tout cas, paix, hein, grâce, évangile de, qui couvre et puis qui cache. Et on oublie, en tout cas, Michel rappelle que, avant ça, Dieu est saint, Dieu est juste. Et je crois que c'est aussi le message des prophètes. Si vous prenez juste après le verset 10, voilà le message de Michel. Debout, allez-vous-en. C'est bientôt la déportation, hein. Car ce pays n'est plus un lieu paisible parce qu'il est souillé et il sera la cause d'une terrible destruction, d'une destruction violente. Et Michée n'avait pas peur de le parler, n'avait pas peur de le dire. Prenez le chapitre d'après, chapitre 3, verset 8. Voilà ce qu'il répond. Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité, de courage pour dénoncer sa révolte à Israël et à Jacob son péché. Voilà ce que Michée a à dire et à répondre aux faux prophètes notamment. Dieu parle à son peuple et il va le juger, il va le châtier. Et en plus, on a déjà vu avec Habacuc, par un autre peuple. Alors ça, c'est, on n'avait pas compris, hein, au début quand Philippe nous parlait de d'un autre peuple, et puis que c'était Dieu qui l'avait choisi. Dieu qui a choisi quelqu'un pour nous faire la peau. C'était, surtout pour Judas. Parce que les peuples qui l'entourent, Judas, ils disaient, mais ils sont bien plus coupables que moi. Ils font des choses bien plus dévoyées que moi. C'est vrai, mais Dieu s'occupera de ses peuples en son temps. S'il y a une chose qu'on doit retenir de Michée, c'est que Dieu s'occupe de son peuple en premier. Et je crois que c'est pareil pour nous. On voudrait bien mettre la faute sur notre État, on voudrait bien mettre la faute sur notre monde pourri. La nouvelle société, on la connaît, hein, c'est l'Église. Elle a été lancée par un sacré mouvement, les apôtres, Jésus-Christ en tête. Oui, c'est ça la nouvelle société. C'est la seule qui va passer l'éternité. C'est la seule qui va rester. Donc Dieu s'occupe de son peuple en premier. C'est la référence. Si vous lisez Ésaïe, on dit que Michée, c'est le petit Ésaïe, parce que si vous, Sabrina étudie Ésaïe en ce moment, elle me disait tout ce qu'il y a, j'ai dit, mais arrête, je suis en train de lire Michée, et c'est exactement la même chose. C'est un résumé, en fait, ils sont contemporains. Michée cite Ésaïe, Ésaïe cite Michée. Je crois qu'ils ont fait les mêmes. Ésaïe s'est mis, je crois, tout nu devant le peuple à Jérusalem pour leur dire, voilà ce que vous serez quand les Assyriens, quand Babylone, je crois que c'est ça. Il parlait aussi de Samarie, mais quand Babylone arrivera et vous partirez, on enlèvera même le manteau que vous avez sur le dos quand vous reviendrez de la guerre. On pourra vous prendre comme un petit chat. Vous n'aurez plus rien. C'est un message dur. Ésaïe fait la même chose dans son livre. Sauf que lui, avant, il fait un tour d'horizon. Il regarde tous les peuples et il va se focaliser sur Juda. Et il se focalise vraiment sur Juda. Ça veut dire que c'est à Juda qu'il parle, à Israël. Michée va faire une petite référence à Samarie, très brièvement, pour que Judas sache qu'il connaîtra le même châtiment, et après il se focalise sur son peuple, sur sa rébellion, sur son péché. Dieu tient à son Église, mais il veut qu'avant tout, elle reflète sa gloire. C'est pour ça qu'il lui demande des comptes en premier, avant n'importe qui d'autre. Il veut lui accorder sa grâce. Et c'est vrai, enfin, je veux dire, c'est mon message aussi ce matin, il faut concilier les deux. Dieu veut lui accorder la grâce. Il veut lui donner tout son amour. Et on l'a chanté à la fin du dernier couplet de ce chant, vous vous rappelez. Il souhaite pour cela un vrai retour à Dieu. Mais le cœur de Judas, il est tellement englué dans la prospérité, la course au bien-être, il a du mal à s'arrêter pour reconnaître l'Éternel comme Dieu seul et lui confier sa vie. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour nous? Il veut nous accorder sa grâce, son amour, comme on l'a chanté. Ben, il est juste. Et il souhaite un vrai retour. Il souhaite un vrai retour de ton cœur. Il souhaite un vrai retour de son peuple, de l'Église. Est-ce que tu as déjà prié en disant « nous » On a chanté hein, en disant « nous ». Alors j'aimerais, en tout cas c'est mon but, pour l'instant on n'y est pas trop encouragé, mais c'est mon but, qu'on puisse prier à la fin du message en disant « nous ». Ok ? Le châtiment est inéluctable, c'est vrai. Quand vous regardez le chapitre 3, verset 12, c'est, je pense, un des versets, en tout cas une des paroles de Michée qui a le plus marqué les habitants de Juda, et c'est peut-être aussi pour ça que Ézéchias, il est revenu à l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui a fait tilt dans la tête des Israélites? Verset 12, « Aussi par votre faute, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem deviendra un tas de ruines. La montagne du Temple sera une colline couverte de broussailles. » Ça a fait tilt. Jérémie en parle encore. Parce que Michée est un des seuls à parler de la destruction du temple en premier. Isaïe, je pense, en parle aussi, et Jérémie le reprend, mais c'est les paroles de Michée. Est-ce que Dieu ne nous abandonne jamais? Question. Alors, s'il ne nous abandonne jamais, ça veut dire qu'il cautionne notre péché, notre rébellion? Il abandonne les hommes quand il lui préfère un autre Dieu. Rappelez-vous, Dieu est maman. 1 Thessaloniciens 5. Versets 19 à 20, ça on l'avait vu dans les passés, des petits versets pleins de sens. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Quand c'est éteint, c'est pas que Dieu nous a abandonnés, c'est que nous qui l'avons abandonné. Mais pour revenir à Dieu, alors il faut se repentir. On ne foule pas aux pieds la grâce de Dieu impunément. Dieu sait être patient, il sait être miséricordieux. En fait, c'est sa nature même de Dieu qui est comme ça. Il prend plaisir à faire grâce. C'est vrai. Quand on lit le chapitre 5, c'est très clair. Mais il est juste et il est saint. Alors il y a un temps pour la patience et il y en a un pour le jugement. Et je crois qu'Ézéchias l'a bien compris. Jérusalem va tomber et le temps va être détruit. Ça a été prédit. Et je crois que c'est ce qui a marqué le plus les esprits à l'époque. Donc Ézéchias se repent. Ouais, il a gagné 130 ans. Son fils... Il n'a pas aidé pour ça. Je me suis demandé si Michée venait ce matin et nous annonçait qu'il y aurait, ici, par exemple, il n'y aurait plus un chat dans 10 ans. Qu'est-ce que ça ferait? Ou alors, je ne sais pas, je me suis demandé, est-ce que c'est ça qui provoquerait dans mon cœur un retour à Dieu? Le bâtiment? Je me suis posé cette question. Parce que c'est un peu ce qu'ils ont fait, Judas, pour beaucoup. Le temple extérieur, ils en étaient fiers. Même les disciples disent « Quoi ? Tu vas détruire le temple, regarde ces belles pierres !» Mais ce n'était pas ça qui était le plus important. Je pense qu'il y a une partie du peuple qui sont revenus à Dieu parce qu'ils réalisaient « Waouh, c'est important ce qui va se passer. Oula, il faut empêcher ça. » Et je pense qu'il y en a aussi une partie, parce que la Bible parle d'un reste, qui a vu plus loin. Le temple, c'est quoi? C'est la présence de Dieu parmi le peuple. C'est là où Dieu est propice, propitiatoire. C'est là où Dieu est favorable à son peuple, c'est là où il pardonne. Et je crois qu'il y en a qui ont compris que Dieu va les abandonner. On peut dire ça comme ça. En tout cas, le temple va être détruit, rasé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je me suis posé la question. Si Michée était là, qu'est-ce qui me mettrait une claque le plus? Je crois que c'est s'il disait, mais... Prophétie, il n'y aura plus la foi dans ton église. Moi, ça Ça me fait flipper. Ce bâtiment, ben, c'est un bâtiment. Hein. Il n'y aura plus la foi. Et on lit ça, hein, parfois dans la fin des temps. Est-ce qu'on trouvera encore la foi? Ça, je pense, dans mon cœur, ça me mettrait une grosse claque. Et nous ne sommes pas hors de cause. Quand Dieu juge, quand le châtiment tombe, alors il va tomber. Hein. Et souvent, quand on voit dans les textes de l'Ancien Testament, ben, il prévient, et puis ça tombe. Hein. La cause principale de l'éloignement, j'arrive au cœur du message. Peut-être on peut le mettre. Je ne le prends encore. Quelle est la cause principale pour laquelle le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu? Il a oublié l'essentiel. Et Dieu lui demande, mais où est-ce qu'il a manqué de lui donner cet essentiel? Il pose des questions. Prenez le chapitre 6. Prenez le chapitre 6, versets 3 à 5. Que t'ai-je fait, mon peuple? En quoi t'ai-je lassé? Réponds-moi donc. T'ai-je laissé en te faisant sortir d'Égypte? Je ne sais pas si je prends le bon ton parce que on a tellement l'habitude de faire des invectives qu'on ne sait plus avoir une voix empreinte d'amour et parce que là, c'est terrible ce qu'il dit. T'ai-je laissé en te faisant sortir d'Égypte et en te délivrant de ces pays où tu étais esclave et en envoyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam? Souviens-toi donc de ce qu'avait tramé Balak, roi de Moab, et de ce que lui répondit Balaam, fils de Béor. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru de Shittim à Gilgal, et reconnais que l'Éternel t'a fait justice. Pardon? Oui? J'ai dit lassé? Hop. C'est peut-être, comment on dit ça, hein? À la puce révélateur. Est-ce que nous réalisons parfois notre ingratitude face à ce que Dieu a déjà fait dans nos vies? L'ingratitude face à ce que Dieu a déjà fait pour son peuple, pour l'Église? Quelle est la réponse du peuple? Vous avez vu versets 6 et 7? Oh, ça c'est pas la réponse du peuple, moi je me suis fait griller. La réponse du peuple, c'est « Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel ?» Bon, bien sûr, on pourrait dire c'est la réponse de Michée, mais Michée prend à cœur le peuple. D'ailleurs, il le fait bien, vous allez voir. « Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Très-Haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer mon crime, le fils cher de ma chair pour expier ma faute ?» Il va loin, hein. Mais quelque part, c'est ce que vivait le peuple. Hein. Ils en étaient à ce point-là. Ça veut dire que ces pratiques-là, elles ont été faites. Et ils se posent même la question en répondant ça à l'Éternel. Vous vous rendez compte? C'est la réponse du peuple face à Dieu qui demande « Mais pourquoi tu es si ingrat ?» C'est sa réponse. Il faut que j'en fasse des tonnes. Alors là, des tonnes, il y en a. Hein. Vous avez vu? 10 000 tonnes. Ah non, c'est pas des tonnes, c'est des torrents d'huile, mince. Ça y va, hein. Mais les exemples sont frappants. Par rapport à ce qu'on vit aussi. Oui, Seigneur. Plus d'une fois, moi j'ai fait ça. Hein. Je me suis converti 5 fois, mais après je me suis repenti 10 fois d'une manière que tout a changé dans ma vie. Hein. Et comme ça. Hein. Ouais, Seigneur, je vais en mettre des brouettes. Hein. Je vais y aller. La vie, je ne serai plus le même. C'est sûr. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Les 1er janvier. Mais. Qu'est-ce qui est au fond? Qu'est-ce qui a motivé ça? C'est pas bien beau hein, ce que dit le peuple. Et voilà la réponse de Dieu. Le peuple y pense qu'à coup de sacrifice, à coup d'holocauste, à coup de litres d'huile, voire même de leurs propres enfants, Ils pourront satisfaire l'exigence de Dieu. On peut voir ici que le peuple n'a pas compris que les exigences de Dieu, elles ne sont pas d'ordre de la loi ou d'ordre extérieur, elles sont d'ordre spirituel et moral. La fumée qui monte des autels ne cache pas à Dieu l'impiété. Il veut le changement des cœurs. Les sacrifices ne sont souvent que les alibis de la désobéissance. Qu'est-ce qui est essentiel? Hop. Voilà, pour moi, c'est le verset clé. Ce qui est essentiel, vous connaissez, hein, c'est un chant. On te l'a enseigné, ô âme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture. Ça, c'est Amos. Que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté. Ça, c'est osé. On verra la semaine prochaine. Et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Ça, c'est Isaïe. Et quelque part, c'est ce qu'il a reçu comme verset. Quand on lit ce chapitre-là, on se demande, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce verset? C'est vraiment un verset incroyable, un verset qui résume, comment on dit ça, la loi et les prophètes, bien sûr. Pour moi, c'est un verset clé. C'est le message de résumé, le résumé du message de Michée. Parfois, nous aussi, nous ressemblons à ce peuple courraine. Il n'apprend que lorsqu'il retombe et retombe et retombe encore dans les mêmes ornières. Nous finissons souvent par être découragés et parfois même on lève le poing dans notre cœur contre Dieu, comme les gens de notre monde qui accusent Dieu. Où est Dieu s'il existe? C'est pas vrai? Où es-tu? Nous devons réaliser que c'est l'inverse qui est la réalité. C'est bien Dieu qui se demande souvent « Où est mon peuple? Où es-tu mon peuple? Où es-tu ?» Et je me suis dit ça moi. Où es-tu? C'est vrai, je peux dire Nicolas, c'est vrai. Mais où es-tu l'église? Où es-tu mon église, si vous me permettez? Il s'agit de marcher comme il l'entend, de le faire sans croire qu'on l'aide Dieu, qu'il a besoin de nos sacrifices, qu'il a besoin de nos œuvres. On va y revenir. Le prophète Michée veut absolument avertir le peuple du danger qui s'est construit. Question, est-ce que je fais ce qui est en mon pouvoir pour prévenir du danger, ceux qui sont autour de moi et qui s'engagent dans les mauvaises voies? C'est le boulot d'une sentinelle. Alors, on a encore un thème qui est beau et qui fait souffler et qui amène, je crois, on est bien amené à ça, c'est le thème du reste, le reste que s'est choisi Dieu et aussi la royauté. Un problème de roi. On va venir au chapitre 2. Un problème de roi. L'Éternel était très en colère lorsque son peuple a demandé un roi. Vous vous souvenez? Il demande un roi. C'était à Samuel, je crois. Pourquoi? Et il veut ressembler aux autres peuples. Alors on donne Saül. Et c'est déjà mal barré. Le peuple voulait en fait choisir lui-même son roi. D'ailleurs, il en est venu très vite. Après Salomon. Pourquoi faire? Pour faire ce qu'il veut. C'est pas qu'ils l'ont élu démocratiquement. Souvent, c'est militairement, quand vous voyez un peu, vous verrez la semaine prochaine, il y a des rois qui ne font pas un mois dans la tribu d'Israël. Tellement c'est comme on veut et quand on veut. Mais quand on voit les péchés du premier roi d'Israël, du royaume du Nord, Jéroboam, et après Omri et Akab, c'est vraiment incroyable. Et Akaz, le roi de Juda, lui aussi, Michée lui en parle comme il faut, et il s'en prend plein les dents. Et Ézéchiel, le roi qui suit, malgré sa repentance, ne pourra pas redresser la barre si facilement. On a déjà vu ça. Hein. Il a gagné 130 ans. Quand vous prenez le chapitre 1, verset 15, on parle d'un roi. « Contre vous, habitants de Maréchal, je vais faire venir un nouveau concurrent. » Il y a plein de jeux de mots dans cette partie-là, mais je n'ai pas pu en parler. De toute façon, en français, ça ne rend rien, mais en hébreu, c'est très rigolo. Je crois Maréchal, ça veut dire ceux qui ont conquis. Enfin, il fait des jeux de mots incroyables juste avant. Et là, il parle d'un roi. Et le roi glorieux d'Israël devra se réfugier à Adoulam. Alors, je ne sais pas qui l'a entendu, si c'est Akaz ou c'est Ézéchias, le roi à l'époque. Mais il a dû être soufflé. Parce que la caverne d'Adoulam, ça vous dit rien? C'est là où David il s'est réfugié quand il fuyait devant Saül. Ça veut dire en gros, ben, vos rois ils font bien rigoler, hein, à se barrer devant l'ennemi dans la caverne. Les rois, ils en prennent plein la tête. C'est vrai. Le roi descendant de David sera en péril, comme ici. La dynastie est en péril. C'est vrai qu'il y a des problèmes avec le roi. Verset 16, on le voit bien. Juste après, Michée parle d'un exil. Michée annonce l'exil. Un nouvel exil, comme celui du peuple d'Israël en Égypte. Et cela arrivera avant toute promesse de miséricorde. Et après, on voit dans les chapitres qui suivent que Michée parle d'un nouvel exil, avec un nouveau roi qui marche devant. On va prendre le chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12. Descendant de Jacob, je vous rassemblerai. Oui, Jacob tout entier, et je vais réunir les restes d'Israël. L'Éternel le déclare. Je les ferai venir ensemble comme un troupeau d'agneaux dans un enclos. Ils seront comme des brebis au milieu de leur pâturage. On entendra le bruit d'une foule humaine en tumulte. Verset 13. Celui qui fait la brèche marchera devant eux, devant eux. Ils se présenteront par la brèche. Ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux. L'Éternel sera à leur tête. Ça vous rappelle rien tout ça? C'est beau, moi je trouve. Un roi si puissant. Le berger d'Israël. Vous avez vu? Ils sont dans un enclos, les brebis, ça vous, Jean 15. C'est le berger qui fait la porte. C'est par lui qu'on passe la brèche. On peut aussi penser à quand Moïse a marché devant le peuple, il a frappé du bâton, il a ouvert une brèche dans la mer. Et voilà, le premier exode. Là, c'est le nouvel exode. Sauf que c'est pas Moïse qui marche, là, c'est le roi. C'est un nouveau roi si puissant. Alors on pourrait se demander, mais en tout cas ils se sont demandés sûrement à l'époque, mais est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est légitime ce roi? Qui est-ce qu'il représente? Qui est-ce qu'il le représente? Et ça c'est le texte le plus connu dans Michée, chapitre 5. Prenez dans ce mur, sinon vous n'aurez pas les mêmes versets. Chapitre 5, verset 1 à 4. Sinon je crois que c'est verset 4 chapitre. C'est 14 du chapitre 4 jusqu'à 4. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. On trouve ça beaucoup aussi dans Éphésiens, tous ces thèmes-là, les responsables, l'autorité, c'est lui qui ramènera la paix, c'est cité dans Éphésiens, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler. Alors, vous voulez voir ce qui est marqué sur le mur de l'ONU? On y va. On voit pas très bien parce que c'est sur le bout. Il y a un long mur et là c'est vraiment sur le dernier bout. Je crois que c'est une bibliothèque à l'intérieur, donc il y a beaucoup d'autres citations, bien sûr, c'est pas la seule. Hein. En anglais, désolé. Et puis c'est marqué Ésaïe, mais c'est Michée, hein, c'est pareil. On sait pas si c'est Ésaïe qui cite Michée ou si c'est Michée qui cite Ésaïe. J'aurais tendance à dire Michée quand on lit. Michée 4, verset 3. Si je me trompe pas. Dites-moi si c'est ça. Et il sera l'arbitre entre de nombreux peuples, oui, il sera le juge de puissantes nations, même lointaines. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Je sais pas bio. Ben, ouais, ça serait bien, hein. Il y a du boulot, l'ONU. Je crois qu'ils ont oublié un critère. Le roi. C'est avec celui-là qu'on y arrive. C'est avec l'Église que ce règne-là. En fait, il a déjà commencé. Hein. Il est imparfait, c'est vrai. Mais il sera parfait. Quand on lit ce passage-là, il continue, on réalise, bah non. C'est pas sur la terre, c'est à venir. Et je pense aussi, il a déjà commencé. Il y en a qui pensent ça, oui. Oui, c'est ça. Bon, alors, après, il y a des textes un peu plus ardus. Alors, bon, je ne rentre pas là-dedans parce que c'est beaucoup plus difficile, mais c'est ça. Il instaure la paix et certains, c'est vraiment la fin. Mais il a déjà commencé aujourd'hui. Sauf si, je pense qu'on a tous expérimenté la paix dans nos cœurs, donc il a déjà commencé. Hein. Alors, on va prendre maintenant la cerise sur le gâteau. Grosse cerise. Hein. Chapitre 7. Verset 14 à 20, verset 14, Éternel, paie ton peuple sous ta houlette. C'est le troupeau qui t'appartient, il habite à l'écart, dans les fourrés, au milieu du Carmel. Qu'il puisse paître dans les prés du Bazan et du mont Galad, comme au jour d'autrefois, comme au temps de jadis, où tu sortis d'Égypte, et je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confondues. Malgré tout leur pouvoir, elles ne trouveront plus un seul mot à dire. Elles seront abasourdies. Elles lécheront la poussière, tout comme le serpent et comme les reptiles. En tremblant, elles sortiront de leur retranchement et se présenteront devant l'Éternel notre Dieu en étant terrifiées. Elles te craindront. Quel est le Dieu semblable à toi, Michée, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos fautes et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Amen. Oui, tu témoigneras de la fidélité au peuple de Jacob. Tu manifesteras ta grâce aux enfants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres. Quels sont ceux de vos besoins qu'un tel roi pourrait satisfaire? J'en ai beaucoup. La miséricorde aura le dernier mot. Michée reprend son nom comme thème du livre. Qui est comme l'Éternel? On peut le dire aussi autrement, qui est semblable à l'Éternel. Michée met en opposition la fausse piété et la fausse sainteté de l'Église, si je peux dire, à celle de Dieu. Quand vous lisez ces différences, quand vous lisez ce qu'on vient de lire, et que vous vous rappelez les choses que je viens de dire avant, quel rapport il y en a? C'est complètement fou. Et ça arrive juste après. L'un arrive juste après l'autre. Michée met en opposition la fausse piété et la fausse sainteté du peuple à celle de Dieu. Quand vous voyez celle du Messie, c'est très clair. Alors de quoi est-ce qu'on a besoin? C'est vrai, Dieu peut faire des reproches. Il a tout mis en œuvre pour que son peuple vive d'une manière qui lui rende gloire. Il a tout fait pour ça. Donc le reproche qu'il fait, il est parfaitement légitime. Pourquoi ne menons-nous pas une vie sainte et pieuse? Il ne nous manque rien pour y parvenir. Force est de constater que nous sommes bien loin d'être pieux, vertueux, saints. Le message du livre de Michée nous concerne aujourd'hui, autant que les habitants de Juda. Nous sommes dans le même état, ne vous y trompez pas. Après l'exil, il rassemblera son reste comme un troupeau, on a eu. Est-ce que cela ne vous rappelle rien? On l'a déjà dit avant, hein. Le berger rassemblera son troupeau. Il a ouvert une brèche. Vous avez lu dans la mer, qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Guy nous a dit la mer, la mort, c'est pareil, c'est vrai. Avant, il dit il fera une brèche, et c'est marqué dans le chapitre d'avant. En tout cas, ce que nous on a lu, et je vous le relis, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer tu jetteras nos fautes. C'est les Égyptiens qui ont été piétinés, au fond de la mer. Et c'est la même image. C'est beau. C'est un hymne à la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne les fautes et les péchés. Il les pardonne entièrement. Il les pardonne totalement pour ne plus jamais s'en souvenir. Il les piétine et il les jette au fond de la mer, dit le prophète. Qui est semblable à l'Éternel? C'est ça le message de Michée aussi. Qui peut faire ça? Est-ce que vous avez déjà lu un Dieu qui peut faire ça? Qui piétine les péchés au fond de la mer de son peuple? Dieu pardonne les fautes, Dieu pardonne les péchés. mais il ne pardonne pas à n'importe qui. Son pardon est pour le reste de son peuple qui lui appartient. Vous avez lu verset 18? Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Bien sûr, il faut appartenir à Dieu. Le livre de Michée, terrifiant, bouillant, on pourrait dire, s'achève sur un sommet, une confession admirable, l'affirmation du pardon, c'est ce que Dieu aime faire par-dessus tout, c'est vrai. C'est ça, la raison d'être de tous ses plans, la révélation de son alliance. Mais Dieu sait aussi se mettre en colère. Et Michée laisse aucun doute pour ça, on l'a vu. Il le fait à contre-cœur, il aimerait ne pas avoir à le faire. Si ça dépendait de lui, bon, facile à dire ça, il ne ferait que pardonner. Non, il ne peut pas. Un retour à Dieu. Et après seulement, quand on fait un vrai retour à Dieu, alors il y a beaucoup de promesses. Prenez chapitre 5. Chapitre 5, c'est un peu, dans tous les plans, dans toutes les sections, c'est un peu l'annexe, on va dire. On se demande qu'est-ce que ça fait ici. Et verset 10 à 14, verset 10, chapitre 5, verset 10, « Je ferai disparaître les cités fortifiées de ton pays, et je renverserai toutes les forteresses. Je ferai disparaître de chez ton peuple tout acte de sorcellerie, et tu n'auras plus de devin. Je ferai disparaître du milieu de ton peuple tes idoles sculptées et tes statues taillées, et tu cesseras de te prosterner devant les dieux que tu t'es fabriqués. J'arracherai de chez ton peuple tous tes poteaux sacrés. Je détruirai tes villes. Dans ma colère et ma fureur, je ferai payer toutes les nations qui ne m'auront pas obéi. » Alors quand on revient à Dieu, oui, Dieu veut faire grâce. Dieu veut répandre son amour, et on l'a vu hein, dans ce dernier chapitre. J'aurais voulu passer une demi-heure là-dessus, c'est un beau message, c'est plein de sens, plein de gravité aussi. Mais une fois que c'est fait, alors je peux être purifié. Vous comprenez ça? On a parlé, je pense, plusieurs fois du Saint-Esprit, et aussi dans Si tu veux aller loin. C'est vrai, on doit être rempli du Saint-Esprit. C'est Ratcliffe qui disait aussi, le Saint-Esprit ne remplit pas une poubelle. Ça veut dire, Dieu doit faire du ménage. Hein. Parfois, c'est douloureux. Conclusion. La fidélité et la grâce. C'est vrai. C'est en Jésus que Dieu offre la grâce à ceux qui lui demandent d'un cœur humble et avec foi. Colossiens. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. J'oublie ça. J'oublie que le monde passe et que la vie se trouve en Jésus seul. Alors survient des temps où Dieu doit m'amener à le réapprendre. Le temps de l'exil viendra, où mon monde sombre, où je ne suis plus moi-même, où je suis étranger. Mon moi souffre, le goût de la vie que j'affectionne dans ce monde devient encore plus vite amer, et on vit quelque part la fin de ce verset, car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La mort, c'est ma propre vie, rappelez-vous le baptême, dans l'eau, c'est le même symbole, au fond de l'eau. Si je vis au fond de l'eau, je ne vais pas vivre longtemps. Je suis mort. La vie, c'est Christ. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est ainsi que Dieu prépare mon cœur à recevoir sa grâce. La grâce imméritée, la grâce gratuite, c'est vrai, mais elle a coûté. Et elle n'est pas disponible pour un cœur qui ne se repent que du bout des lèvres. La grâce n'est pas agissante dans ma vie si je continue à vivre pour moi-même. Elle n'est pas agissante si je le choisis comme un médecin traitant et que je garde quelques cartes de visite de spécialistes dans mon portefeuille. Le salut n'est pas complet si je ne suis pas prêt à avouer ma faillite, à vivre d'une manière droite, pleine d'amour, humblement. Le salut n'est pas complet si je n'abandonne pas mes terrains de prostitution. Il ne viendra même pas si je ne reconnais pas la bonté de l'Éternel dans ma vie, mon ingratitude, mon cœur rebelle, si je ne reconnais pas que je suis incapable de lui être agréable. On reprend Michée 7, versets 18 à 20, et on reprend le verset clé. Michée 7, versets 18 à 20, et je vais finir comme ça et j'aimerais qu'on prie ensemble. Ça va? Michée 7, 18 à 20. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de son peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Oui, tu témoigneras de la fidélité au peuple de Jacob, tu manifesteras ta grâce aux enfants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres. J'aurais pu citer ce verset et puis j'aurais fini mon message. Vous vous rappelez? On t'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. Trois choses. C'est que tu te conduises avec droiture. Est-ce qu'on aime la droiture? Est-ce que on veut passer du temps? On veut aspirer à vivre près de Dieu? Est-ce que tu prends plaisir à témoigner de la bonté? Je trouve ça c'est encore plus dur parce que c'est vrai, on est là, on est frères et sœurs, on doit apprendre à s'aimer, on n'a pas le choix, hein. C'est l'Église, on ne s'est pas choisi, on doit apprendre à s'aimer. Mais il va plus loin encore. Que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté. Est-ce que vous prenez plaisir à aider le prochain? J'espère, hein. C'est pas dans mon cœur. Et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Et qu'avec humilité, tu vives pour ton Dieu. Et on en a besoin. Et si moi, je ne suis pas vigilant, si je ne suis pas assez humble, c'est votre responsabilité à venir me le dire. C'est à moi à venir vous le dire. C'est ça l'Église.